Alors, bonjour Matteo Pablo. Donc, alors, on vous appelle en fait aujourd'hui parce que donc le dimanche 6 septembre, il y a eu des élections nationales au Canada. Et donc, en fait, il y a eu une forte. Le contexte, en fait, c'est qu'il y avait eu une forte contestation sociale qui avait amené à la démission de hauts fonctionnaires et aussi, surtout, du président, donc Otto Pérez Molina, et de son ex et de sa vice-présidente Roxana Baldete. Et alors d'abord, pour commencer, est-ce que vous pourriez commencer, vous, par vous présenter? Oui, mon nom est Matteo Pablo. Ouais, mais je suis guatémaltèque. Je suis un survivant d'un des massacres au Guatemala dans les années 80. Alors, mais le monsieur Pérez Molina, c'est une ex-militaire qui était impliqué dans les massacres pour massacrer les peuples autochtones. D'accord. Lui, il est un des principaux responsables de plusieurs massacres. Alors, est-ce que vous pouvez juste Oui. commencer par nous dire pourquoi justement est-ce qu'il y a eu cette mobilisation qui a amené à de nouvelles élections? Oui, parce que c'est parce que lui était impliqué dans une ligne de corruption. Alors c'est pour ça avant de l'élection que lui était comme démissionné pour l'exigence de la population. D'accord. Parce qu'il y a une soulevation de la population parce que c'est lui il est impliqué et signalé pour le ministère public de Guatemala. Et puis avec une commission internationale qui s'est en contre l'impunité au Guatemala, c'est justement pour ça la population est rendue compte qu'il y avait l'implication du président. Et aussi que comme il y a des députés qui sont dans le Congrès du Guatemala, qui sont leur nom aussi pour la réélection. Et c'est pour ça eux que voulaient profiter aussi la réélection. C'est pour ça avait démissionné le président. D'accord. Alors c'est ça une point que c'est pour la réélection, mais aussi pour la pression de la population guatémaltèque. D'accord. Et alors donc on a parlé là. Du président, est-ce que vous pourriez un peu, donc on en a parlé un peu tout à l'heure, nous réexpliquer quels étaient les liens entre donc Pérez Molina et Ríos Montt? Oui, Pérez Molina, c'est un des commandants dans l'époque de Ríos Montt, quand Ríos Montt était comme président dans les années 80, et puis. Et lui, c'est lui qui dirige dans le nord du Guatemala, nord-occident, nord-ouest, appelle nord-occident en espagnol, mais nord-ouest, c'est de là que lui avait est un des commandants militaires. Alors c'est lui qui avait donné l'ordre de toutes les massacres un département qu'on appelle Quiché. Oui. Alors c'est lui qui est le haut responsable de ça. Mais avec l'ordonnance de Ríos Montt. Et alors justement, est-ce que vous pouvez revenir juste nous expliquer, donc parce que voilà, vous à l'époque en 1982, vous aviez 24 ans, je crois. Et donc en fait, j'avais 24 ans quand c'est arrivé le massacre. Voilà, et alors justement, voilà, il y a eu un massacre vraiment absolument horrible, donc dans votre village à Petanoc. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à nos auditeurs, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette... Quelle était la situation dans le pays à l'époque? Dans cette époque-là, il était... chez nous, par exemple, chez moi, il n'y a pas grand chose que ça se passe. On savait pas dans l'époque, on savait pas s'il y a eu des massacres, mais quand par hasard qu'on avait écouté d'une masse proche de nous. Alors, c'est comme ça, moi, j'avais été inquiète la journée de la massacre et c'est comme ça que je suis survivant parce que j'étais sorti avant que l'armée arrive. Alors, toute la population, ils sont très... Il y a eu de confiance à l'armée parce qu'on ne savait pas la politique non plus. Parce que dans la population autochtone, on ne savait pas la politique vraiment. D'accord. Alors c'est pour ça qu'on a eu la confiance à l'armée. Ben, parce que pour nous, peut-être c'est eux qui nous protègent. Mais c'est le contraire. C'est là que la population avait pensé que oui, l'armée, c'est notre armée nationale. Alors pourquoi on va quitter à notre village? Parce que moi, j'avais proposé à la population de quitter peut-être, ça pourrait passer à notre village parce qu'il y a un massacre à notre voisin, un village voisin. Alors, le membre de ma communauté m'avait dit que non, il n'y a pas aucune raison de nous quitter, abandonner notre village. On est en famille, on est les maisons, on est les animaux, on est tout. En plus, l'armée, c'est notre défense. Alors pourquoi l'armée va faire quelque chose que comme ça? Alors c'est comme ça, la population et moi, j'étais inquiète. Alors, j'étais parlé à ma femme parce que j'ai déjà eu la famille moi. J'ai juste parlé à ma femme, ok, on va partir nous, mais pas partir ensemble avec les enfants, sinon moi je vais partir en premier et après tu viens. C'est l'accord que j'avais mis avec ma femme. Mais elle n'est pas encore sortie dans la maison et moi j'ai un peu en avance, mais c'est juste que j'avais fait un tour à arriver à la direction nord de mon village. Après ça, quand j'étais à environ 5 minutes à peu près, quand j'étais voir dans un endroit et l'armée était entrée dans mon village. D'accord. Alors, à ce moment-là, il avait commencé comme divisé en deux groupes et entourer la communauté pour empêcher que personne sorte, que s'est échappé dans le massacre. Quand je vois ça je vois que l'armée était venue chez moi, à ma maison, et il avait sorti ma femme et puis mes deux enfants. J'en ai une petite fille de 3 ans et puis un garçon de 20 jours. D'accord. Alors, eux avaient commencé et puis ils sont amenés dans une maison et puis les femmes dans une maison et puis les hommes dans une autre maison. Alors, à ce moment-là, ils avaient commencé à tuer les gens, à mettre les fous dans la maison. Puis après, moi, j'ai resté comme inconscient. Je suis un peu perdu totalement. Et j'avais pensé ok, je vais mourir aussi, je vais aller voir ma famille, je vais mourir avec eux. Mais j'ai réfléchi un peu plus, mais je suis dehors, pourquoi je vais aller me faire tuer l'armée et peut-être ça, je veux savoir qu'est-ce que ça va arriver après. Alors, c'est la seule chose que j'avais pensé dans le mois. Et après ça, je restais pendant plus d'une semaine. Et après, je quittais dans mon village et j'ai parti au Mexique. Et alors aujourd'hui, justement, quelles sont vos attentes, notamment vis-à-vis de Molina? Vous espérez qu'il soit... Parce qu'il a été condamné, mais on s'est critiqué de la façon dont il a été... Ben moi qu'est-ce que j'aimerais dire que Pepe Pérez Molina soit jugé aussi pour les massacres, pour le crime contre l'humanité, parce que lui actuellement il est condamné juste pour la juste pour la corruption, mais pas pour la, pas pour le génocide. Oui. Alors il faut que je, moi de ma part, toutes les autres Guatémaltèques qui ont été à l'exil, on est au Canada, aux États-Unis, n'importe où dans le monde entier. Je pense que tout le monde pense la même chose comme moi. On espère que le juge guatémaltèque, il faut lier la culpabilité de lui, parce que lui était impliqué dans les massacres. Alors maintenant, c'est juste, il est jugé pour le, juste pour la corruption, mais pas pour le génocide. Et vis-à-vis des nouvelles élections, donc là, ça a été le vainqueur du premier tour, donc c'est un certain Jimmy Morales. Et alors, quelles sont aussi les attentes de ce côté-là et éventuellement les craintes aussi? Il n'y a pas vraiment, jusqu'à actuellement, il n'y a pas la confiance avec les politiciens guatémaltèques. Parce que c'est plutôt c'est quelqu'un qui était lié aussi au militaire. C'est un militaire, je pense que c'est vraiment les Guatémaltèques, ils s'avaient trompé pour voter ou élu à quelqu'un que c'est il y a leur implication. Mais comme je veux signaler que les politiciens manipulent toujours l'information envers la population guatémaltèque, alors c'est vraiment toujours manipulé pour les médias aussi, les grosses médias de communication. C'est juste les médias indépendants, les médias alternatifs qui faisaient leur travail comme informer un peu à la population, mais je pense qu'il y a une culture de par les Guatémaltèques qui croyait plus les médias traditionnels et pas les médias alternatifs. Et justement pour ça, lui a comme avancé pour qu'il va aller à un deuxième tour pour l'élection prochaine. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez, je ne sais pas si vous en êtes membre ou pas, enfin, je suppose que oui, c'est du projet Accompagnement Québec-Guatemala. Et ça, est-ce que vous pouvez un peu me parler justement de quelles sont les actions de ce projet, qu'est-ce qu'il fait? Bon, le projet Accompagnement, c'est un organisme québécois qui s'était impliqué beaucoup pour accompagner les gens qui donnent leur témoignage pour les massacres qui étaient passés, mais aussi eux accompagnent des personnes qui travaillent sur les droits humains au Guatemala. Aussi, eux envoyaient des gens sur place pour accompagner des personnes qui sont impliquées, parce que des fois il y a des menaces en contre de personnes qui s'impliquent pour les droits humains. Et si par exemple quelqu'un veut être intéressé pour intégrer cette association, comment est-ce qu'il fait? Il a juste à vous contacter? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a une science d'information à chaque. Il y en a des informations qu'ils font pour s'informer à ceux qui voulaient s'impliquer pour les anciens accompagnateurs, accompagnatrices. Ils donnent l'information, qu'est-ce qu'ils font dans les communautés. Parce qu'eux s'en vont dans les communautés pour accompagner et vivre avec eux dans les communautés. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez rajouter ou pas? Mais qu'est-ce que je veux rajouter, c'est l'implication de la population d'ici aussi, quand appuyer cette lutte que des Guatémaltèques qu'on a. C'est une lutte. Moi, je suis à l'extérieur, mais quand même, je suis impliqué pour appuyer là-bas. Je veux que la population québécoise ou canadienne, que ça devrait impliquer aussi, parce que c'est une lutte de la population guatémaltèque qui a besoin de l'appui aussi, que soit international ou national. En tout cas, merci beaucoup, Matteo Pablo, d'avoir répondu à nos questions. C'était vraiment très intéressant. Ok, bon, merci à vous.